Décembre vient de commencer, le compte à rebours est lancé. Maintenant plus que 24 jours avant la veille de Noël. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où le visage des enfants se merveille, c'est bientôt Noël. Les rues, les magasins sont remplis de déco, et ça fait du bien car la nuit tombe tôt. On érige le sapin le dimanche à huis clos. On ne manque de rien tant on rêve aussitôt. La nature a revêtu son manteau de blanc. Noël reste le plus beau jour pour les enfants. Tout le monde est heureux le temps d'un instant. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Seulement toute l'année pouvait être empreinte à cette magie. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où le visage des enfants se merveille. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où la famille se réunit, la veille. Bientôt Noël.